j'aimais les filles, les charmer sous la lune. J'aimais plaire aujourd'hui, sache que j'en veux qu'une. J'aimais sortir, boire et faire la fête. J'aimais les boîtes, vomir, la tête dans la cuvette. J'aimais le rap, parce qu'il est devenu. J'aimais le bon son, ce que j'appelle le vrai art de rue. J'aimais les belles rimes, pas de Jules et Caris. J'aimais les gens qui avaient un certain charisme. J'aimais la bonne bouffe, y'a plus que des OGM. J'aimais les potes, bouger, les soirées sans problème. J'aimais traîner, parler dans les ruelles. Le monde réel, leur mur Facebook est construit sans truelle. J'aimais les balades, mais dehors y'a trop de malades. J'aimais la vérité, arrêtez de me raconter des salades. J'aimais te voir pour qu'on discute. Aujourd'hui y'a plus de dialogue, sans dispute. J'aimais ma vie à sa genèse. Le temps passé à kiffer durant ma jeunesse. J'aimais avec le temps tu comprends que rien ne dure. Profite du présent. J'aimais c'est au passé que je m'exprime. Mais aimer au présent évite la déprime. J'aimais qu'arrivera-t-il demain? Qu'aimeras-tu hein? Dis-moi que restera-t-il? J'aimais tant de choses, mais je suis désolé, je n'ai jamais aimé offrir des roses. J'aimais être seul, me poser dans mon coin. Merde, je veux être seul, laissez-moi faire le point. J'aimais le cinéma, les bons films à l'ancienne. Je n'ai jamais aimé les filles faisant les chiennes. J'aimais rire, m'amuser, je suis rappeur émérite. J'aimais tenter le danger, quitte à ce que ça rate. J'aimais écrire, me confier à la feuille. J'aimais le dire haut et fort, mais toujours sans orgueil. J'aimais être écouté, être entendu, c'est dur. J'aimais aussi être attendu, c'est sûr. J'aimais le pahut, tous ces jours de cours. J'aimais aussi les vacances, même un court séjour. J'aimais vivre simplement, sans luxe et sans argent. Et je crois qu'un jour même j'aimais les gens. J'aimais ma vie à sa genèse. Le temps passé à kiffer durant ma jeunesse. J'aimais avec le temps tu comprends que rien ne dure. Profite du présent. J'aimais c'est au passé que je m'exprime. Mais aimer au présent évite la déprime. J'aimais qu'arrivera-t-il demain? Qu'aimeras-tu hein? Dis-moi que restera-t-il? J'aimais bosser, perdre ma vie à la gagner. Mais je suis lassé et je sais que le taf va nous canner. J'aimais ce paysage, je croyais ces jolis paysages. J'aimais sentir le vent sur mon visage. J'aimais respirer l'air pur sans pollution. Qu'ils ne me disent pas qu'il n'y a pas d'autre solution. J'aimais y croire, j'aimerais y croire. Mais l'impression que rien n'est éternel et surtout pas l'espoir. J'aimais les voyages, sache que je repartirai quitte à traverser l'océan à la nage. J'aimais la famille, avec le temps elle s'éparpille. Toujours près du cœur mais souvent trop loin des pupilles. J'aimais lire et rien foutre au lit. Parfois j'y reste aussi quand je pullatise comme un alcoolique. J'aimais ces moments d'ivresse, ce temps joué à la NES. Seuls les vrais connaissent et je suis heureux si tu acquiesces. J'aimais ma vie à sa genèse. Le temps passé à kiffer durant ma jeunesse. J'aimais avec le temps tu comprends que rien ne dure. Profite du présent. J'aimais c'est au passé que je m'exprime. Mais aimer au présent évite la déprime. J'aimais qu'arrivera-t-il demain? Qu'aimeras-tu hein? Dis-moi que restera-t-il? Je ne suis pas nostalgique. Avoir la nostalgie des choses c'est espérer qu'elles reviendront. Mais elles ne reviennent pas. Je l'ai toujours su depuis toute petite. Et tu trouves pas ça un peu froid? La vérité n'a pas de température.